écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. Jean d'Ormesson. Lydie Salver. Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Catherine Pontimbert s'entretient avec André Brink, récemment disparu. Toute cette semaine, France Culture rend hommage à l'écrivain André Brink, récemment disparu à l'âge de 79 ans. En 2006, Catherine Pontimbert le rencontrait. En Afrique du Sud, votre pays, André Brink, le XXe siècle a officialisé par des lois l'inégalité entre les Blancs et les autres populations. C'est l'élaboration de l'apartheid avec ses mesures ségrégationnistes envers les minorités indiennes et métisses, mais surtout à l'égard des Noirs. Apartheid, en afrikaans, signifie « vivre à part ». En 1948, les Afrikaners qui ont remporté les élections contre les anglophones décident de mettre en place ce régime de ségrégation. C'est-à-dire qu'un pays, à partir d'un moment donné de son histoire, décrète que désormais des êtres humains sont inférieurs à d'autres. Dans la préface qu'il a écrite pour votre recueil d'essais « Retour au jardin du Luxembourg », qui est paru en 1999, Nelson Mandela parle de la tyrannie d'être séparé de force sur la base de différences raciales. Cette tyrannie qui a prévalu dans votre pays jusque dans les années 1990, vous l'avez vécu dans votre chair, André Brink. Oui, et très profondément. Parce que quand on parle apartheid, pour moi en tant que Sud-Africain, ça ne veut pas dire un système, une théorie, une idéologie, quelque chose à part. Il s'agit d'une réalité qui se vivait tous les jours et toutes les nuits de mon existence. Donc quand j'écrivais sur l'apartheid, ce n'était pas une question d'aller à la recherche d'un thème, mais d'écrire tout simplement et tout directement ce que je vivais de jour en jour. Parce que ça concernait les choix les plus banals de la vie. Le choix où vivre, où acheter une maison, où envoyer ses enfants à l'école, quelle langue de parler à l'école, quel travail qu'on peut avoir, quelle carrière qu'on pouvait suivre. Tous ces choix qui sont si normaux, comme je l'ai dit, si banals dans la vie de presque tout le monde, en Afrique du Sud, portaient tout le poids et toutes les ténèbres des choix qui avaient une influence directe, non pas simplement sur la qualité de la vie, mais sur l'essence de la vie de tous les jours. C'était donc quelque chose que je vivais de près et d'urgence. Et après mon retour de Paris en 61, mais surtout après mon retour à la fin de 68, quand je commençais à avoir de plus en plus d'amis noirs, et je voyais à travers leur vie, leurs expériences de la vie, ce que c'était que d'être les victimes de l'apartheid. C'était devenu une réalité que je ne pouvais plus échapper. Je devais absolument faire quelque chose. Et ça créait des conflits entre moi et les autorités, parce qu'il était difficile, souvent presque impossible, pour mes amis noirs de me visiter chez moi, dans un quartier blanc. C'était très souvent impossible pour moi d'aller visiter mes amis dans leur quartier, à eux. Donc, tout simplement s'associer avec des gens de notre couleur était devenu quelque chose de remarquable, d'important. C'était des choix qui portaient une influence sur tout aspect de la vie. Ce n'était pas tout simplement une décision qu'on fait pour aller au pique-nique ou aller au théâtre, quelque chose comme ça. Mais bien sûr, ces choses aussi, on ne pouvait pas aller faire un pique-nique avec des amis noirs, n'importe où, n'importe quand. On ne pouvait pas aller au théâtre avec des amis noirs. C'était presque impossible pour les amis noirs d'assister aux séances de théâtre ensemble avec les Blancs. Je me rappelle une situation il y a pas mal d'années maintenant où il y avait des amis à moi qui se mariaient, c'était des amis Blancs. Ils voulaient un petit orchestre de métis pour jouer à la cérémonie. C'était interdit par les lois, mais après pas mal de négociations, on avait décidé, oui, d'accord, c'était les juges, le conseil municipal et tout ça qui devait prendre cette décision, d'autoriser que ce petit orchestre soit présent à la condition qu'il y ait un filet de pêche entre l'orchestre et l'assistance, parce qu'il fallait absolument écarter les deux races. Et c'était des choses ridicules et tout à fait absurdes comme ça. Là, au cours de l'apartheid, on vivait vraiment l'absurdité de Camus dans son entièreté. Donc, tout cela était rendu plus ou moins impossible. Une vie normale, tout simplement, n'était pas possible. C'est pour ça qu'après les changements en Afrique du Sud, un ami à moi, l'écrivain noir Njabulo Ndebele, parlait du retour au normal comme l'événement le plus important et le plus remarquable de l'Afrique du Sud nouvelle. Parce que ce qui, pour les autres, étaient des choses ordinaires, de tous les jours, des choses normales, étaient pour nous des choses absolument extraordinaires. Et donc la redécouverte et la transition vers la normalité, c'était pour nous extraordinaire. Ce qui se produit au moment de la rencontre avec l'autre et avec les différences est toujours une sorte d'énigme, André Brink. Et si on observe au fond les différentes façons que les hommes ont de gérer cela, le rapport avec les différences, il y a plusieurs types d'attitudes. Il y a la guerre, il y a la séparation. Vous avez employé tout à l'heure l'image du filet de pêche, c'est absolument frappant. Il y a le dialogue aussi qui est une autre option. Bon, en tout cas, l'apartheid est probablement la pire des attitudes pour aborder la différence. Ah oui, parce que ça essayait d'ignorer, d'annuler le sens de la différence. Ça ne voulait pas avouer qu'il y ait des différences parce que les Noirs et les Blancs étaient mis sur des planètes différentes, sur des niveaux d'existence si écartés l'un de l'autre que on ne savait rien ou presque rien à propos de l'autre. Et donc, bien sûr, ça devenait de plus en plus facile de diaboliser l'autre, de concevoir de l'autre comme un ennemi, comme un être dangereux qui posait des menaces, qui avait des tendances destructeurs, qui voulait vous tuer tout le temps. Chaque femme blanche en Afrique du Sud vivait tous les jours de la peur d'être violée par un noir. Je me rappelle quand j'étais tout petit enfant, quand ma sœur et moi, nous étions en vacances avec des amis sur une ferme, et nous avions l'impression, presque tous les jours, en nous réveillant, qu'il devait y avoir un noir sous le lit. Et c'était l'horreur. On s'en servait, bien sûr, pour faire peur à l'autre tout le temps. Mais c'était là une sorte d'expérience symbolique que nous trouvions, je ne sais pas où, mais c'était la réalisation de cette peur qui hantait nos existences de tous les jours. Il y avait toujours dans nos pensées un noir qui dormait sous le lit et qui pouvait s'éveiller et qui pouvait nous menacer et qui pouvait nous tuer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Et c'était là l'expérience d'une existence menacée dans tous les sens et de tous les côtés, qui caractérisait pour moi, quand j'y réfléchis maintenant, toute mon enfance. On est très très loin, là, bien évidemment, de la formulation qui était celle d'Emmanuel Lévinas, qui parlait d'événement pour qualifier la rencontre avec l'autre. Il l'a qualifié même d'événement fondamental. Il faut dire que Lévinas fait partie de la famille des philosophes du dialogue. Oui. Est-ce que cette philosophie du dialogue n'a pas réussi, malgré tout, à s'infiltrer pendant toutes ces années-là en Afrique du Sud ? C'est ce qui est si remarquable. Parce qu'on avait l'impression sur la surface qu'aucun dialogue n'était concevable, n'était possible. Mais Lévinas avait raison. Et je crois que certainement en ce qui concerne l'idée de l'autre, il est allé peut-être plus loin que n'importe quel autre philosophe. Mais au fond, sous les apparences, sous l'hostilité, sous la peur de l'inconnu qui était l'autre, il y avait aussi toujours... Et je le disais à plusieurs reprises au cours des années de l'apartheid, il y avait une sorte de compréhension, surtout parmi les Afrikaners et les Noirs. J'en ai parlé dans une de nos autres discussions de ce qui s'est passé au cours du 19e siècle, quand il y avait une alliance entre des Noirs et des Boers, des colons hollandais en Afrique du Sud. Mais il y avait tant de correspondances entre l'histoire que vivaient les Noirs et les Afrikaners en Afrique du Sud. Au début, il y avait la mémoire d'une existence errante, existence de nomade à l'intérieur du pays, l'expérience de vivre très proche aux saisons, en apprenant le rythme des saisons comme quelque chose qui dictait les formes de la vie même, l'expérience, la mémoire certainement, d'une lutte pour l'indépendance, une lutte pour la libération au sein des Noirs, au sein des Afrikaners, surtout après les guerres de l'indépendance contre l'Angleterre. Et il y avait surtout un attachement farouche à la terre africaine. Pour les deux. Donc, au fond, il y avait des façons de vivre, des façons de regarder le monde et la vie des deux côtés qui se ressemblaient dans presque tous les sens. Mais il fallait attendre le moment du changement, des négociations, de la libération de Mandela pour qu'il soit devenu possible de reconnaître ces parallèles, ces réalités qu'on partageait. Et c'est peut-être à cause de l'existence de ces rapprochements qui ne se disaient pas, mais qui se sentaient, qui étaient là, qui finalement avaient l'occasion de se manifester, de s'exprimer au cours des négociations pendant la transition vers la démocratie. Parmi vos romans, André Brink, celui qui rend peut-être le mieux compte de cette histoire de l'apartheid, c'est Une saison blanche et sèche, dont la lecture a été, je crois, décisive pour beaucoup de lecteurs à travers le monde, qui ont, après cette lecture, su exactement ce dont il s'agissait. Je rappelle très, très rapidement qu'il s'agit de l'histoire d'un professeur blanc qui s'appelle Ben Dutoit et qui a la révélation d'un monde qui est à la fois très proche, mais qu'il ne connaît pas du tout, qui est le monde noir. Et c'est l'assassinat de son jardinier qui va déclencher sa prise de conscience et son engagement, mais vraiment corps et âme, dans une enquête dont on peut dire que c'est une enquête infernale au sens propre du terme. Il côtoie l'enfer. Oui. Ah oui. Et c'est là une sorte d'emblème pour l'expérience de la plupart des Sud-Africains blancs, mais aussi de pas mal parmi les Noirs. D'arriver au point où on pouvait, où on devait reconnaître l'existence de l'autre, mais pas en tant qu'autre, mais en mon semblable, mon frère. Et c'était une expérience pour moi, pour ceux que je connais parmi mes amis, vraiment une expérience tout à fait, mais dans tous les sens du mot, bouleversante. Et pour moi, c'était une histoire basée sur des faits qu'avaient vécu beaucoup parmi mes amis, des amis noirs ainsi que des amis blancs, j'ai basé les lignes, les grandes lignes de cette histoire sur des procès qui se passaient en Afrique du Sud. Et il y avait quelques avocats, noirs et blancs, qui m'ont envoyé des dossiers, des procès auxquels eux assistaient. Je me rappelle très bien que l'un d'entre eux, peut-être le plus important parmi les Noirs, qui s'appelle Griffith Nkrenge, un Zoulou à Durban, qui m'a envoyé des tas de dossiers, et pas mal de temps après la publication du livre, mais je ne crois pas que ça avait quelque chose à faire avec le livre, il était tué, assassiné par la police de sécurité, ce qui mettait à la lumière l'intensité de la vérité de tous les jours que nous vivions. Et eux m'ont donc apporté ou envoyé ces dossiers. Pas mal d'amis noirs et blancs sont venus me raconter leurs propres histoires ou les histoires de leurs amis. Et comme ça, j'avais toute une collection, toute une archive de faits tiré de l'expérience sud-africaine en ce qui concernait surtout les activités de la police de sécurité. Et c'était surtout ceci que je basais les grandes lignes de mon histoire. Je savais qu'une fois commencé, quand j'avais déjà écrit une centaine de pages, il y avait l'assassination du grand leader noir Steve Biko, qui était arrêté par la police dans la ville, la petite ville même où j'habitais, moi. Et c'était là où on lui a arrêté, on lui a transporté à Port Elizabeth. Là, il était torturé et puis il était transporté à Pretoria où il mourait. Et puis, je ne pouvais pas continuer à écrire. Parce que pendant que j'étais en train d'inventer une fiction, un roman basé sur des faits, oui, mais une fiction, il y avait quelqu'un de réel, un homme remarquable et un leader parmi les Noirs, dont la mort, l'assassinat, commençait dans la ville même où je vivais. Donc à quelques centaines de mètres de là où il était arrêté, j'étais en train d'écrire. Et à ce moment-là, il me paraissait comme si l'écriture était quelque chose d'anormal. Et je ne voulais pas continuer. C'était une obscénité de continuer. Il fallait quelques mois et pas mal de discussions avec des amis, surtout des amis noirs, qui insistaient à me dire, mais justement à cause de ça, il est nécessaire de continuer, de reprendre l'écriture. Et je continuais donc, et je crois maintenant que c'était la bonne décision. Mmh. Et Une saison blanche et sèche est construite comme un roman policier, avec une progression dans l'intensité dramatique qui est absolument implacable. Ben Dutoit donc s'engage dans une enquête policière obsessionnelle. Il veut comprendre la mort de ce jardinier noir. Il fallait ce halètement du roman policier pour rendre compte de cette histoire. C'était la forme la plus appropriée. Je crois que oui, bien que en principe, je n'aime pas beaucoup des romans policiers, sauf les romans de Simenon, parce que je suis absolument passionné de Simenon. Et je crois que aussi parce que dans ces romans, il s'agit vraiment d'aller à la recherche de l'essence humaine derrière les faits, afin de trouver les motivations secrètes qui détermine les actions des individus. Et c'est donc quelque chose dans ce genre, je crois, qui avait dû m'inspirer. Mmh. Oui, d'ailleurs, on retrouve dans Une saison blanche et sèche une ambiance absolument étouffante, qui est celle de l'Afrique du Sud des années 70, avec la suspicion, les dénonciations. Et il y a, chez Simenon, bien sûr, une ambiance totalement différente, mais aussi cette ambiance étouffante de la France profonde, des petites gens. Ah oui, oui. Je crois qu'un des événements les plus bouleversants dans le livre, c'est le moment où la fille trahit son propre père, ce qui amène un tout petit peu plus tard à sa mort, à lui. Et ça, c'était basé sur un épisode dans ma vie où une de mes meilleures amies me trahissait à la police de sécurité. Après le coup, c'était devenu un épisode même un peu marrant parce qu'il s'agissait d'un rendez-vous que me donnait un agent secret. Il ne m'a pas dit à ce moment-là qu'il était de la police de sécurité, bien sûr. Il se présentait chez moi comme un gardien aux prisons où était emprisonné mon ami Breton Breitenbach. Il m'apportait un message de Breitenbach. Aussi, il me demandait de l'argent pour acheter un pistolet pour s'évader du prison. Mais tout ça, je ne savais pas à l'époque. Je ne pensais à lui, je ne lui voyais comme un ami plus ou moins clandestin de mon ami. Et je savais que mon ami se trouvait dans un état psychologique insupportable. Je voulais lui aider. Donc, quand ce type me donnait rendez-vous, j'acceptais. Je le discutais, même pas avec ma femme, mais avec cet ami qui me conseillait de mettre une machine pour enregistrer. Un magnétophone sous la siège à côté de moi, dans ma voiture, ce que je faisais. Et dès l'instant où le policier se mettait à côté de moi, il a poussé en arrière son siège, de sorte que la machine se trouvait tout à fait visible. C'était très embarrassant, mais c'était marrant en même temps, et surtout après. Mais ça ne pouvait être qu'elle qui me trahissait pour lui informer de l'existence de ce magnétophone dans la voiture. Donc, même dans les petits détails, presque tout ce qui se trouve dans ce roman était basé sur des choses qui me sont arrivées. Mais en accédant à la conscience, votre personnage, Ben Dutoit, vit une résurrection, mais une résurrection qui lui est fatale. Donc il y a le thème du sacrifice rédempteur qui est extrêmement lié à ce roman, dont on peut d'ailleurs faire une interprétation biblique. Oui, je crois qu'il y a là peut-être une des seules conséquences du calvinisme rigoureux dans lequel j'étais enseigné dans mon enfance. C'est ces lignes de sacrifice, de rédemption, de résurrection. Je crois que ces grands thèmes sont présents dans presque tout ce que j'écris, bien que je ne suis plus religieux, mais on ne peut échapper entièrement à la formation de sa jeunesse. Lorsque l'apartheid a pris fin, André Brink, vous avez dit « Je n'ai pas besoin de l'apartheid pour écrire, je savais depuis toujours que je serais écrivain ». C'est-à-dire que vous avez finalement éprouvé le besoin de dissocier votre entreprise d'écriture de l'apartheid, parce que pas mal de vos romans ont été associés à cela. Est-ce que c'était aussi une façon de dire que la littérature et l'écriture finalement relevaient de quelque chose de beaucoup plus intime et de plus profond ? Je crois que oui, mais en même temps je dois préciser que je ne me suis pas dissocié de l'apartheid, parce que c'est quelque chose qui est devenu tellement partie de moi-même, de ma pensée, de définir mon être dans le monde, que je ne peux pas et je ne veux pas m'en débarrasser, je ne veux pas le nier, et je retournerai certainement très très souvent dans mes romans, dans l'avenir. Mais c'est une question de regarder le travail de l'écrivain dans un sens plus, de concevoir du travail de l'écrivain dans un sens plus large, dans un contexte plus ample. Et je crois donc que ce que j'ai découvert et constaté de plus en plus depuis le démantèlement de l'apartheid, c'est bien que les origines de mon écriture et de l'écriture ne peuvent pas être expliquées selon une

culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures d'une ou plusieurs de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous avons choisi de vous faire entendre des extraits des mémoires d'André Brink, publiés chez Actes Sud, sous le titre « Mes bifurcations ». L'auteur s'y exprime sur sa vie, sur son pays, narration et réflexion alternent. Peu à peu, il dessine l'histoire d'un Sud-Africain né en 1935 qui condamne les horreurs de l'apartheid comme les dérives du gouvernement actuel, sans jamais s'affranchir de l'amour qu'il porte à cette terre qu'il n'a jamais quittée. Une réalisation de François Christophe. Mes bifurcations, mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomarède avec Jean Aucotrel. Troisième épisode. Adolescent, l'écrivain André Brink a flirté avec l'idée de devenir pasteur protestant, avant de choisir le théâtre et la littérature, contre la religion et les préjugés racistes de son enfance passée dans une famille afrikaner des plus traditionnelles. Entre 1959 et 1961, il poursuit ses études à la Sorbonne, à Paris, où il voit pour la première fois des Noirs traités sur un pied d'égalité avec les Blancs. Le 21 mars 1960, a lieu le massacre de Sharpeville. La police sud-africaine tire sur les manifestants, 69 morts et près de 200 blessés. Rentré en Afrique du Sud, André Brink deviendra un opposant farouche au régime de l'apartheid de son pays. Il n'est pas aisé de déterminer lequel du théâtre ou de la religion est apparu le premier dans ma vie. Du pur point de vue de la préséance, c'est bien sûr la religion, puisqu'elle s'immissa en moi, je suppose, dès mon baptême. En ce dimanche matin, froid mais lumineux, le dominé, le révérend, un vieillard bien intentionné, connu pour la vigueur intentinée irresponsable avec laquelle il aspergeait d'eau bénite le front des nourrissons sur les fonts baptismaux, se laissa tellement emporter par son geste que, d'après les rapports qui m'en ont été faits par mes parents, je manquais être noyé. Je dois avouer que les sermons, qui ne me passionnèrent jamais vraiment, me donnaient surtout l'occasion de rêvasser, d'inventer des histoires, de me laisser aller à toutes sortes de pensées qui n'étaient pas toutes pieuses, loin de là. J'étais à la fac depuis plusieurs années lorsque je compris soudain un jour qu'on était censé écouter les sermons. La Bible, c'était différent. Je connus vite par cœur la plupart de ces épisodes. Pour moi, comme pour la majorité des petits africanaires, elle procurait la seule mythologie cohérente dont nous pouvions nous inspirer copieusement. Elle sous-tendait la violence généralisée de l'univers dans lequel nous grandissions. Nous étions tétanisés par tous ces contes. Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, quels vieillards pervers étaient leurs dieux. Les exploits de Samson, à main nue ou avec la mâchoire d'un âne, Jephthé sacrifiant sa fille unique, Abraham, près de sacrifier son fils Isaac et de repousser Agar vers le désert avec son premier-né Ismaël, les Israélites qui dansaient autour du veau d'or, la destruction de Jéricho, David pleurant la perte de Jonathan et plus tard d'Absalom, la mort de Jézabel, Jonas dans le ventre de la baleine ou Daniel dans la fosse au lion, la passion du Christ, les visions terrifiantes de Saint Jean. Sans parler des épisodes ambigus et troublants de Lot et ses filles, de Samson et Dalila, d'Onan, de David et Abigail, de David et Tamar, de David et Bethsabée. La religion, c'était avant tout la fascination des récits, fascination encore accentuée par les tonitruances de la langue biblique. Dans de nombreuses familles chez qui nous passions les fins de semaine et les vacances, on lisait encore la Bible en hollandais dans la version du XVIIe siècle. Même la récente version en afrikaans employait un ton grandiloquent et archaïque. Voilà qui détermina, plus que toute doctrine ou liturgie, l'emprise que la religion eut sur mon jeune esprit. C'était un véritable carcan, car d'une façon primaire, m'apparaît-il aujourd'hui, nous n'avions tout simplement pas le choix. L'enfer était une réalité si dure qu'on n'avait d'autre alternative que de s'accrocher à Dieu. Il ne suffisait pas d'appartenir à une congrégation, encore fallait-il jouer un rôle actif en son sein. j'avais besoin d'ouailles. Une fois par semaine, notre garage fut donc converti en église, des caisses retournées figurant les bancs et deux gros cajots en équilibre précaire, la chaire. J'y convoquai, à l'aide de la clochette que ma mère agitait d'ordinaire à l'heure du dîner, tous les domestiques du voisinage. Il me revient un souvenir particulièrement douloureux. Dans l'un de mes sermons les plus fervents, je transposais directement un message que j'avais entendu au temple et au cours des prières à l'école. Il était basé sur l'affligeant épisode qui suit le déluge, au moment où Noé aviné se retrouve nu et hébété dans sa tente. Ses fils dociles, Cham et Japhet, entrent à reculons dans la tente pour le recouvrir d'une couverture. Mais le pauvre Sem, qui a l'infortune de découvrir le premier, le bambocheur ronflant, et a la témérité de rire aux éclats, est condamné pour l'éternité à voir ses descendants servir de porteurs d'eau et de coupeurs de bois, assujettis au rejeton de ses frères. Très consciencieusement, je transmis à ma congrégation le dit message, à savoir qu'en tant que noirs, ils étaient les fruits des reins maudits de Sem, et que Dieu souhaitait donc qu'ils soient nos serviteurs, les serviteurs des Blancs. Ils burent mes paroles avec une dignité tranquille, une sereine humilité. Si j'avais la foi, je crois que je penserais justifié d'avoir reçu alors un trait tiré depuis les cieux. Pour prouver que j'étais le véritable messager de Dieu, j'accomplis un miracle. Avant l'office, j'avais placé une soucoupe emplie d'alcool à brûler dans le cajot au sommet de ma chaire. En pénétrant dans le temple au début de l'office, une serviette à rayures sur les épaules en guise de soutane, j'apportai une seconde soucoupe remplie d'eau claire à ras-bord. À la fin de mon sermon, je bus délicatement un peu d'eau et la passai à la congrégation pour qu'elle fasse de même. Quand tout le monde eut trempé ses lèvres et affirmé qu'en effet il s'agissait bien d'eau, je plaçai la soucoupe dans le cajot, invoquai la puissance de Dieu, retirai la première soucoupe de l'intérieur du cajot et allumai une allumette pour l'enflammer. Personne n'osa me soupçonner de n'être pas loin du Seigneur et ma congrégation crut à un rythme régulier. Dans l'une de mes incessantes tentatives pour gagner de l'argent, je fis le même tour lors d'une séance de magie plus séculaire devant une assistance composée de camarades d'école. Hélas, je connus cette fois un échec retentissant, car mon meilleur ami, s'improvisant traître tout à coup, fondit sur la table qui était le principal accessoire de ma démonstration, m'arracha des mains le récipient enflammé, le renifla et, séance tenante, dénonça la supercherie. J'essayai de lui retirer la coupelle des mains, l'alcool se répandit sur la table, mit le feu au drap qui servait de nappe et le garage faillit brûler. La séance fut interrompue de façon prématurée, ce qui était sans doute préférable car cela m'empêcha de passer au tour suivant. J'avais en effet prévu d'installer ma sœur Elbie dans une grosse boîte et de la couper en deux. À plus longue échéance, cela coupa court aussi à la première phase de ma carrière théâtrale, tout comme à mon ambition de devenir un homme d'église, car mes parents me refusèrent désormais l'accès de leurs locaux à des fins de représentation, de quelque sorte que ce fût, y compris des offices visant à sauver des âmes et à assurer la perpétuation de la domination des Blancs sur les Noirs. Mais ils ne purent m'ôter le virus du théâtre. J'approchais de la fin de mes études au lycée lorsque je vis ma première représentation. Une adaptation en Afrikaans du Malade imaginaire à Lydenburg, un bourg un peu plus important que Douglas, où les représentations de compagnies théâtrales étaient aussi rares que la pluie. Je devais avoir 14 ans lorsque fut annoncé un spectacle qu'enfin mes parents acceptèrent que j'aille voir. Or, au dernier moment, la tête d'affiche tomba malade. Nombre des membres de notre congrégation virent là un signe de l'intercession divine. La représentation fut annulée, fin de l'histoire. La télévision n'y rêvait même pas. Il y avait bien un cinéma, mais mes parents étaient très stricts quant à quel film je pouvais ou ne pouvais pas voir. La scie, d'accord. Oh, Tarzan, bien sûr. Et de temps à autre, un Walt Disney ou un Shirley Temple. Rien d'autre. Mmh. En temps voulu, je me tournai vers l'écriture dramatique. À l'âge de 21 ans, j'écrivis ma première pièce publiée sous le titre peu prometteur de Die Band um uns Herze, Le lien autour de nos cœurs. L'action se situait en 1820 à la frontière orientale de la colonie du Cap, peu après l'arrivée du premier contingent de colons britanniques. À cette époque, les relations entre les colons hollandais et afrikaners, les nouveaux arrivants et le gouvernement du Cap, subirent de plein fouet la pression de la nation Xhosa qui, essayant de fuir l'expansion de l'empire Zoulou à l'est, empiéta sur le territoire des colons. D'étranges alliances furent scellées alors. Ma pièce, hélas, était superficielle. Je ne maîtrisais pas la complexité de la situation. À l'université de Rhodes, où j'enseignais pendant près de 30 ans à partir de 1961, je passais une bonne partie de mon temps à la section théâtre, où, poussé par la présence d'étudiants enthousiastes, je m'impliquais davantage dans la pratique théâtrale. Hormis la possibilité de monter plusieurs œuvres, dont La Casa de Bernarda Alba de Lorca fut la plus passionnante, cette familiarité me permit aussi de tester plusieurs de mes propres créations avant qu'elles ne soient achevées. Je dus faire un choix cruel. À une époque où il était vital de contrer les ravages de l'apartheid avec tous les moyens disponibles, y compris la culture, je ne pouvais courir le risque de passer des mois à écrire ou à monter des pièces inévitablement interdites avant la première. De leur côté, après Au plus noir de la nuit, mes autres romans couraient aussi le risque d'être interdits. Mais j'avais appris à contourner les censeurs en faisant publier mes livres à l'étranger. Des pièces comme Pavane, qui pouvaient être controversées, se retrouvaient dans une impasse. J'arrêtai donc d'écrire pour le théâtre, préférant diriger mon énergie créatrice vers la fiction romanesque. Même si le débarquement fut marqué par mon extase éphémère face à l'exubérance des voix des manœuvres de couleur sur les quais du port du Cap et par le sentiment que j'avais retrouvé mon port d'attache, mon retour de Paris fin 1961, mon retour au bercail, resta entaché par un ressentiment écrasant contre l'Afrique du Sud qui avait perpétué le massacre de Sharpeville. Ce ressentiment persista. En gros, je n'avais pas envie de me trouver là. La personne qui joua le rôle le plus décisif dans la formation et la structuration de ma conscience politique, notamment dans la façon dont elle redimensionna ma perception des questions raciales, ce fut H. Dès notre première véritable rencontre à Grahamstown en octobre 1966, nous devinâmes tous les deux, même si au début elle essaya fièrement de résister, que nos existences en seraient chamboulées. Notre relation mit des mois à acquérir l'ampleur et la richesse d'un véritable amour. Ma vie en serait métamorphosée à jamais. Lorsque je n'eus plus un sou et que je dus rentrer de Paris, je n'étais tout simplement pas prêt à affronter l'Afrique du Sud. Je n'écris pas « chez moi », car à l'époque il n'y avait aucun endroit sauf Paris avec lequel je pouvais suffisamment m'identifier pour dire « c'est chez moi ». J'avais l'intention de retourner en France à la première occasion, ce que je fis fin 1967. L'Afrique du Sud à laquelle je retournais était celle de Rhodes, université anglophone, ancrée dans une longue tradition de libéralisme. Or, et c'est intéressant, les gens qui me marquèrent le plus pendant cette période parlaient Afrikaans. Le chef de mon département, le Belge Rob Antonissen, d'une érudition et d'une humanité hors du commun, le philosophe Dantje Oosthuizen, confident de Beyer Snodé, qui devint une telle épine dans le pied de l'establishment, le professeur d'allemand Helmut Herbe, qui rentrant un jour en Afrique du Sud après un séjour sabbatique à l'étranger, avait été arrêté par les douaniers et s'était vu confisquer une série de photographies de sculptures de Michel-Ange qu'il prenait pour de la pornographie. Un professeur, Laurie Graham, d'une culture encyclopédique et voyageur invétéré. Tous avaient depuis longtemps brisé les liens avec le Lager, le cercle afrikaner, tous honnissaient l'apartheid et soutenaient activement des initiatives viables d'opposition politique, notamment le Liberal Party d'Alan Paton. Il fréquentait avec naturel aisance et enthousiasme des amis noirs, chose impensable dans ma vie antérieure. De telles fréquentations rendirent la transition non seulement supportable, mais souvent excitante et stimulante. Ils me poussèrent à revenir sur des sujets avec lesquels mon séjour à Paris m'avait familiarisé, mais que je n'avais pas approfondi. Mes nouvelles fréquentations me permirent, pour la première fois dans ma vie, de me lier d'amitié avec des Noirs. De plusieurs manières, le fait de ne pas avoir à retourner à l'univers africaner qui avait modelé mon image de l'Afrique du Sud me facilita la tâche. Mais d'un autre côté, cela m'éloigna de mes origines et dressa entre les miens et moi des barrières que rien ne lèverait plus. Je vécus dans un sas entre Paris et Paris. Je retournais au pays avec un point de vue totalement différent sur ce qui s'y passait, mais sans aucune volonté de m'impliquer. Je gardais mes distances, parce que j'étais alors sous l'influence de l'existentialisme, mais aussi à cause de tout ce à quoi on est soumis quand on doit gagner sa vie. Probablement cela me convenait-il. Pourtant, dans mes écrits, test ultime, j'étais encore incapable de m'identifier suffisamment avec l'Afrique du Sud pour écrire à son sujet, alors que tel un tournesol, je me tournais vers le soleil révélateur de Paris. C'est que j'avais encore un long chemin à parcourir. Je le répète, je ne me sentais pas encore chez moi en Afrique du Sud. Et je n'avais pas envie de m'y sentir chez moi. J'étais dans cet état d'esprit lorsque, fraîchement débarqué de Londres, H fit irruption dans ma vie. Avec son regard libre de tout bagage sur l'Afrique du Sud, sa foi sans faille en la justice, l'équité, la vérité. Même si à l'époque elle était une marxiste convaincue, pour elle des notions telles que la liberté n'étaient pas théoriques ou idéologiques. Elles émanaient de l'expérience d'individus en chair et en os. Elle n'était ni doctrinaire ni obstinée. Elle abordait le monde avec générosité, avec la volonté d'apprendre, de sonder, de comprendre, une exubérance et une joie de vivre juvénile à laquelle personne ne semblait résister. Tous ceux qui la croisaient, hommes et femmes, tombaient amoureux d'elle. On faisait sa connaissance et on se sentait déjà mieux avec soi-même. Confrontée à l'hypocrisie, à la duplicité, au mensonge, à la mauvaise foi, elle pouvait être impitoyable, cinglante, dévastatrice. Elle honnissait l'apartheid et ceux qui l'appliquaient. Mais en son fort intérieur, elle était chaleureuse, aimante. Elle se souciait d'autrui, sans compter qu'elle avait un sens de l'humour irrésistible. Elle était enthousiaste, elle était habitée par la joie. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait 24 ans. Certes, elle était hantée par certaines craintes et incertitudes, ses propres préjugés et son manque d'assurance. Comme tout le monde, elle avait ses failles et ses blocages. Héritée en partie de son éducation bourgeoise, même si j'ai rarement rencontré quelqu'un qui semblait s'être détaché avec une telle conviction et une telle exubérance des restrictions de son milieu social et politique d'origine. Pour elle, la couleur ne comptait pas, la classe sociale non plus. Elle pouvait s'asseoir sur le trottoir et parler avec une mendiante noire comme elle aurait discuté avec un professeur émérite ou un prêtre blanc grand teint. Elle ne regardait personne de haut et ne s'abaissait devant personne. C'était déjà un petit miracle en soi dans l'Afrique du Sud des années 1960, encore sous le choc de Sharpeville et, ou sans que bien sûr personne s'en aperçoive, couvait déjà le Soweto de 1976. Précisément parce qu'elle ne mettait aucune condition et n'arrivait avec aucun préjugé. Elle aimait quelqu'un, noir ou blanc, parce qu'elle voyait en lui un individu. De la même façon, elle pouvait tout aussi bien détester quelqu'un, noir comme blanc. Il n'y avait chez elle aucune hypocrisie faiblarde de gauche, aucun vernis ou faux-semblant concernant la couleur de peau des gens qu'elle côtoyait. Un individu, homme ou femme, noir ou blanc, pouvait être formidable ou une merde, ou n'importe quoi entre les deux, sans que la couleur intervienne d'aucune manière. Quelques mois seulement après son arrivée à Grahamstown, elle entama comme prévu sa traversée du continent en stop pour la plus grande partie. Avant son départ, nous nous rendîmes en voiture au Swaziland et au Mozambique. Notre excursion se transforma en voyage initiatique. Dès le début, elle fut placée sous le signe de l'échappée. Rentrée d'Europe à peine quelques mois plus tôt, j'étais déjà déboussolé par la réalité sud-africaine. Partout, nous faisions des rencontres de manière tout à fait impromptue, dans des halls d'hôtels, à des coins de rue, dans des marchés populeux, au milieu des fruits, des légumes, du porridge, du maïs, des pois, des vermes aux pannes, de cosses à l'aspect douteux, de saucisses, de paquets de tripes, de têtes de mouton, de queues de bœuf, de langues, de récipients de boissons âpres. Quelquefois, nous nous engagions dans des discussions qui se prolongeaient tard dans la nuit, sur la situation en Afrique du Sud et d'autres pays de l'Afrique australe, mais aussi plus au nord, et en Amérique, et en Europe. Ou bien nous parlions musique, de nos familles, de nos généalogies. Une grande partie de mes ruminations et écrits des décennies suivantes remontent à ce voyage et à ses découvertes, dont la plupart devaient avoir un lien avec un fait évident et néanmoins magique. Nous étions tous africains. Nous appartenions tous à cette terre et avions envie d'y appartenir. Pour la première fois depuis mon retour d'Europe, je commençais sérieusement à douter de ma fixation sur Paris. N'était-ce pas sauter du wagon en marche, fuir ? N'était-ce pas ici, dans cet endroit, ce sud on ne peut plus profond, cette Afrique ultime que je devais rester et faire germer mes racines. Les rencontres furent moins intenses au Mozambique qu'au Swaziland, surtout à cause de la barrière de la langue. Mais ce n'en fut pas moins une rencontre avec l'Afrique. Au début, l'incapacité foncière de H à dire non causa des frictions et des silences entre elle et moi. Un jeune qui faisait du stop et dont la destination nous faisait faire un détour de 100 kilomètres. Une amie qu'elle avait rencontrée un peu plus tôt et qui voulait savoir si son fils et son meilleur copain pouvaient venir camper avec nous. Un vieux monsieur empressé qui nous demandait d'emporter un paquet pour lui dans le nord alors que nous nous dirigions vers le sud. Ces déviations n'étaient pas toutes ennuyeuses ou une pure perte de temps. Peu à peu, je compris qu'elles participaient à l'indispensable assimilation du temps africain, que je n'ai appris à assimiler, hélas, qu'avec le recul. Toute ma vie, je n'ai fait que me presser, faire quelque chose, aller quelque part, même quand je n'avais pas la moindre idée de ce que ce quelque chose ou ce quelque part pouvait être, comme si par nature j'avais peur de rester coincé sans rien pour me stimuler ou m'attirer ailleurs. Mais cette précoce et trop brève initiation à l'Afrique d'au-delà de nos frontières marqua assurément le début d'un changement. Vers quoi ? Je ne suis pas certain d'être capable de le définir. Peut-être est-ce par sa nature même indéfinissable. Peut-être est-ce seulement ceci. On n'a pas besoin d'avoir un but ou une destination spécifique. H savait cela d'instinct. Raison pour laquelle très vite, lors de son errance africaine, elle fut capable de se mettre si spontanément au diapason du continent. C'est au cours de ces journées lumineuses, vertes dans le Swaziland, dorées au Mozambique, que je compris réellement en profondeur ce qu'était l'Afrique du Sud, ce qui s'y était agrégé dans le passé, ce qui marquait son présent meurtri et ce qui pourrait advenir un jour. Quant à mon éventuelle participation à son évolution, j'étais encore incapable de la définir clairement, mais je savais que le moment du choix se rapprocher inexorablement. C'était Mes bifurcations, mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomared, avec Jean Ocotrel et Anne Cailleur. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle. Assistance technique et montage, Anil Bosselet. assistante à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Réalisation, François Christophe. Mes bifurcations a été traduit de l'anglais par Bernard Turle et est publié chez Actes Sud. C'est un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, André Brink. Vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivains. À demain. Such misery deep down inside. Though I make it deep, I'm happy. Still, if the truth were known, my heart is aching, nearly breaking. Spend 1 minute with you alone. I love you still, baby. I always will. Yes, it's true. What I lied about myself about you. Oh, you dirty dog, you. Now see that? There you go. You start plunking at my heartstrings. That ain't fair. No, no, no. Revenge, revenge with music, yeah. Yeah.